Beaucoup de gens, en sentant la force de l'émotion, en déduisent que c'est donc réel. Et voilà, ça fait partie des pires affaires. Les forces irrationnelles, les forces de l'irrationnel, c'est-à-dire justement manquer de discernement, tu sais, dans le sens rationnel, dans le sens le ratio, avoir de la mesure. Puis les émotions, c'est pas fait pour ça. On nourrit l'intellect avec des émotions, mais c'est pas fait pour ça. C'était pas. En tout cas, on nourrit tous les programmes avec des émotions, mais prenez juste là, à quel point ça déforme la vue. On peut voir quelque chose de réel. Le problème, c'est que ça va être déformé par l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière. Ça ne veut pas dire que l'intuition n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire que. Une fois, étant enfant, je m'étais réveillé en panique, puis j'étais complètement traumatisé. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'avais perçu quelque chose pendant mon sommeil. Eh bien, j'ai su par après que c'était réel, c'était vrai. Mais ma réaction, l'espèce de petite terreur enfantine qui en avait découlé, qui avait sorti de ça, c'était exagéré. Mais la perception était. On n'est pas pour tout le temps retourner dans des psychodrames passés pour régler des problèmes psycho-affectifs à travers le fait qu'on est mis en vibration, entre autres, par l'art. Puis là, il y a une projection d'identification. Puis ça fait toute partie de la fausse identité circonstancielle, expérimentale de souffrance émotionnelle, justement. C'est ça qui fait qu'on a besoin de catharsis, puis qu'on aime la musique, vous savez, là, l'espèce de romantisme larmoyant, là, pas romantisme dans le sens, mais vous savez ce que je veux dire, là, comme dans le mouvement romantique. Pourquoi vous pensez que le mouvement romantique en Europe, si on prend les écrivains allemands, puis tout ce qu'il y a eu par rapport à ça, puis des gens comme George Sand, Chopin, puis ça amène souvent à la mort. Les jeunes gens qui étaient beaucoup dans le romantisme, souvent, il y avait une vision belle de la mort. On voit d'où ça vient. Je veux dire, ça sent comme d'où ça vient.